elle les a toutes chantées. Comme une âme animée de rien, elle attend dans son coin. Comme une âme animée de rien, elle attend dans son coin. Elle attend sa fin.